Le livre des Jubilés. Chapitre 13. Et Abram voyagea à partir de Haran et prit Sarah sa femme et Lot le fils de son frère Haran vers le pays de Canaan, et il arriva à Assur et passa par Shechem et habita près d'un grand chêne. Et il regarda et voici la terre était très plaisante de l'entrée de Hamat jusqu'au grand chêne. Et le Seigneur lui dit, « Je donnerai ce pays à toi et à ta semence. » Et il construit là un autel, et offrit des sacrifices au feu au Seigneur, qui lui était apparu. Et de là il se déplaça vers la montagne. Bethel à l'ouest et à l'est et piqua sa tente là. Et il regarda et voici la terre était très grande et bonne et toutes choses y poussaient, vignes et figues et grenades. Chêne et chêne vert et pistachier et arbres pour huile, et cèdres et cyprès et dattiers et tous les arbres des champs, et il y avait de l'eau sur les montagnes. Et il bénit le Seigneur, qui l'avait conduit hors d'Ur de Chaldée et l'avait amené sur cette terre. Et cela arriva dans la première année de la septième semaine, à la nouvelle lune du premier mois, il construit un autel sur cette montagne et la nomma du nom du Seigneur, Toi le Dieu éternel est mon Dieu. Et il offrit sur l'autel un sacrifice au feu pour le Seigneur, pour qu'il soit avec lui et ne l'abandonne pas tous les jours de sa vie. Et il se déplaça de là et alla vers le sud et il vint à Hébron. Hébron était construit dans ce temps et il y habita 2 ans, puis il s'en alla vers la terre du sud, vers Bilo, car il y avait une famine sur la terre. Et Abram alla en Égypte dans la 3e année de la semaine, et il habita en Égypte 5 ans avant que sa femme lui fût enlevée. Dans ce temps Tanné en Égypte avait été construite 7 ans après Hébron. Et cela arriva alors que Pharaon avait saisi Sarah la femme d'Abram, le Seigneur frappa Pharaon et sa maison de grandes plaies à cause de Sarah la femme d'Abram. Et Abram était très brillant en conséquence des moutons et bétail, et ânes et chevaux et chameaux, et serviteurs et servantes, et en argent et or, excessivement. Et Lot aussi le fils de son frère était riche. Et Pharaon rendit Sarah la femme d'Abram, et le renvoya hors du pays d'Égypte, et il voyagea vers l'endroit où il avait piqué sa tente au début, à l'endroit de l'autel, ayant à l'est et Bethel à l'ouest, et il bénit le Seigneur son Dieu, qui l'avait ramené en paix. Et cela arriva dans la 3e année de la 1ère semaine du 41e jubilé, il retourna à cet endroit et offrit un sacrifice au feu, et il appela le nom du Seigneur et dit, « Toi le plus haut Dieu est mon Dieu, pour toujours et à jamais. » Et dans la 4e année de cette semaine, Lot se sépara de lui et habita à Sodome, et les hommes de Sodome étaient extrêmement pécheurs. Et il fut attristé dans son cœur que le fils de son frère le quitte, car il n'avait pas d'enfant. Et Abram alla à Hébron et y habita. Et dans cette année vint Chedor Laomé roi d'Élam et Amraphaël roi de Shinar et Arioc roi de Selsar et Tergal roi des nations et ils frappèrent le roi de Gomorra. Le roi de Sodome prit la fuite et beaucoup tombèrent des blessures dans la vallée de Sidim à la mer Salée. Et ils prirent captif Sodome et Adma et Zboam et ils prirent aussi l'homme captif, le fils du frère d'Abraham et toutes ses possessions, et ils allèrent à Dan. Et celui qui s'échappa vint et dit à Abram que le fils de son frère avait été pris captif, et Abram arma les serviteurs de sa maison. Et le roi de Sodome vint vers lui et s'agenouilla devant lui et dit, « Notre Seigneur Abram, donne-nous les âmes que tu as sauvées et que le butin soit à toi. » Et Abram lui dit, Je lève mes mains vers le plus haut Dieu, que je ne prendrai même pas un fil de lacet de chaussure de ce qui est à toi pour que tu ne dises pas, j'ai rendu Abraham riche. Épargne seulement ce que les jeunes hommes ont mangé, et pour la portion des hommes qui sont venus avec moi, année, est-ce que les membres, eux prendront leur part. Pour Abraham et pour sa semence, le dixième des premiers fruits au Seigneur, et le Seigneur ordonna cela comme une ordonnance, pour toujours qu'il devrait le donner aux prêtres, qui servent devant lui afin qu'il le possède pour toujours. Et à cette loi il n'y a pas de limite de jour, car il l'a ordonné pour les générations, pour toujours qu'ils doivent donner au Seigneur le dixième de toutes choses, de la semence et de la vigne, et de l'huile et de bétail et de mouton. Et il le donna aux prêtres, pour manger et boire dans la joie devant lui. Dans l'année que Lot fut pris captif, le Seigneur dit à Abraham, après que Lot le quitta, dans la quatrième année de cette semaine. Lève tes yeux de l'endroit où tu habites, du nord au sud et de l'ouest à l'est, car toute la terre que tu vois je te la donnerai à toi et ta semence, pour toujours et je rendrai ta semence, comme le sable de la mer. Pensez qu'un homme puisse compter la poussière de la terre, même encore ta semence ne pourra être dénombrée. Lève-toi, marche à travers le pays dans sa longueur et sa largeur et regarde tout, car à ta semence je donnerai cela. Chapitre 14. Après ces choses, dans la quatrième année de cette semaine, à la nouvelle lune du troisième mois, la parole du Seigneur vint à Abraham dans un rêve disant « Ne crains pas Abraham, je suis ton défenseur et ta récompense sera extrêmement grande. » Et il dit « Seigneur, Seigneur, que me donneras-tu voyant que je vais sans enfant, et le fils de Masse, le fils de mon serviteur, et te léser le Damasek, région au nord-est d'Israël ? Il sera mon héritier et à moi tu n'as donné aucune semence. » Et il lui dit, « Cet homme ne sera pas ton héritier, mais ton héritier sera celui qui viendra de tes propres entrailles. » Et il l'amena dehors en avant et lui dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu es capable de les compter. » Et il regarda vers le ciel et considéra les étoiles. Et il lui dit, ainsi sera ta semence. Et il crut le Seigneur, et cela lui fut imputé en justice. Et il lui dit, je suis le Seigneur qui t'a apporté d'Uran Chaldée, pour te donner le pays de Canaan, pour le posséder à toujours, et je serai ton Dieu, pour toi et ta semence après toi. Et il dit, Seigneur, Seigneur, comment saurais-je que j'en hériterai? Et il lui dit, amène-moi une génisse de 3 ans et une chèvre de 3 ans et un mouton de 3 ans et une tourterelle et un pigeon. Et il prit tout cela dans le milieu du mois, et comme il habitait au chêne de Mamre qui est près de Bron, il construit là un autel et sacrifia tout cela et il versa leur sang sur l'autel et les sépara par le milieu et les mit l'un par-dessus l'autre, mais il ne sépara pas les oiseaux. Et les oiseaux s'abattirent sur les morceaux et Abraham les en chassa et ne permit pas que les oiseaux y touchent. Et cela arriva quand le soleil se coucha et qu'une extase tomba sur Abraham et voici, une horreur de grande noirceur tomba sur lui, et il fut dit à Abraham, sache pour certain que ta semence sera comme un étranger dans la terre, qui n'est pas la leur et ils les prendront en esclavage et les affligeront pendant 400 années. Et je jugerai aussi la nation, pour qui ils seront en esclavage, et après cela ils en sortiront avec beaucoup de biens, et ils retourneront de ce côté-ci dans la quatrième génération seulement, car l'iniquité des Amorites n'est pas encore complète. Et tu iras vers tes pères en paix et seras enterré à un bon âge avancé. Et il se réveilla de son sommeil et se leva et le soleil s'était couché et il y avait une flamme et voici, une fournaise était fumante et une flamme de feu passait entre les morceaux. Et en ce jour le Seigneur fit une alliance avec Abraham en disant, à ta semence je donnerai cette terre, de la rivière d'Égypte jusqu'à la grande mer, la rivière Euphrate, les Kénites, les Kenizzites, les Canaanites, les Prisites et les Refins, les Phacorites et les Hivites et les Amorites et les Cananites et les Girgashites et les Jébusites. Et la journée passait et Abraham offrit les morceaux et les oiseaux et leurs offrandes de fruits et leurs offrandes de boissons et le feu les dévora. Et en ce jour nous fîmes une alliance avec Abraham, comme nous avons fait alliance avec Noé dans ce mois, et Abraham renouvela pour lui-même la fête et l'ordonnance pour toujours. Et Abraham se réjouit et fit connaître toutes ces choses à Sarah sa femme, et il crut qu'il aurait une semence, mais elle n'enfanta pas. Et Sarah conseilla son mari Abraham et lui dit : « Va vers Agar ma servante égyptienne, car il se pourrait que je fonde ta semence par elle. » Et Abraham écouta la voix de Sarah sa femme et lui dit, « Fais ainsi. » Et Sarah prit Agar sa servante l'égyptienne et la donna à Abraham son mari pour être sa femme. Et il vint en elle et dans la cinquième année de cette semaine elle conçut et lui porta un fils, et il appela son nom Ishmaël, et c'était dans la 86e année de la vie d'Abraham. Chapitre 15. Dans le troisième mois, de la cinquième année de la quatrième semaine de ce jubilé, au milieu du mois, Abraham célébra la fête des premiers fruits de la récolte de grains et il offrit de nouvelles offrandes sur l'autel au Seigneur, le produit des premiers fruits, une génisse et une chèvre sur l'autel, comme un sacrifice brûlé pour le Seigneur, leurs offrandes de fruits et leurs offrandes de boissons. Il offrit sur l'autel avec de l'encens. Et le Seigneur apparut à Abraham et lui dit, « Je suis Dieu Tout-Puissant, accorde-toi avec moi et sois parfait, et je ferai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai extrêmement. » Et Abraham tomba sur sa face, et Dieu parla avec lui et dit, « Voici mon ordonnance, est avec toi et tu seras le père de plusieurs nations. » Plus jamais ton nom sera appelé Abraham, mais ton nom sera Abraham à partir de maintenant et même pour toujours, car je t'ai fait le père de plusieurs nations. Et je te ferai très grand et je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi, et j'établirai mon alliance entre moi et toi et ta semence, après toi à travers leurs générations, comme alliance éternelle, afin que je sois un Dieu, pour toi et pour ta semence, après toi dans le pays où tu as été un habitant, le pays de Canaan, que tu puisses le posséder à toujours et je serai leur Dieu. » Et le Seigneur dit à Abraham, « Comme pour toi, garde mon alliance, toi et ta semence après toi et circoncis tout mâle, parmi vous et circoncisez vos prépuces, et cela sera un signe d'une éternelle alliance entre moi et toi. L'enfant de 8 jours sera circoncis et tout mâle à travers vos générations, celui qui est né dans ta maison ou celui que tu as acheté d'un étranger contre de l'argent, celui que tu as acquis qui n'est pas de ta semence. Celui qui est né dans ta maison sera certainement circoncis et ceux que tu as achetés contre de l'argent seront circoncis et mon alliance sera dans votre chair comme une ordonnance éternelle. Et le mâle incirconcis qui n'est pas circoncis dans la chair de son prépuce au 8e jour, cette âme sera retranchée de son peuple, car il aura rompu mon alliance. » Et Dieu dit à Abraham, comme pour Sarah ta femme, son nom ne sera plus appelé Sarah mais son nom sera Sarah. Et je la bénirai et te donnerai un fils par elle et je le bénirai et il deviendra une nation et des rois de nations sortiront de lui. » Et Abraham tomba sur sa face et se réjouit et se dit dans son cœur, « Un fils peut-il naître de celui qui a 100 ans et Sarah qui a 90 ans peut-elle enfanter ?» Et Abraham dit à Dieu, « Qu'Ishmaël vive devant toi. » Et Dieu dit, « Oui et Sarah aussi te portera un fils, et tu appelleras son nom Isaac, et j'établirai mon alliance avec lui et avec sa semence, après lui comme une alliance éternelle. Et pour Ishmaël je t'ai aussi entendu et voici, Je le bénirai et le rendrai grand, et le multiplierai extrêmement et il produira 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Mais j'établis mon alliance avec Isaac, que Sarah te portera l'année prochaine dans ses jours. Et il cessa de parler avec lui et Dieu quitta Abraham. Et Abraham fit comme Dieu lui dit et il prit Ishmaël son fils, et tous ceux qui étaient nés dans sa maison et qu'il acquit contre de l'argent, tout mâle de sa maison, et circoncit la chair de leur prépuce. Et dans le même jour Abraham fut circoncis et tous les hommes de sa maison et tous ceux qu'il avait achetés contre de l'argent aux enfants de l'étranger, furent circoncis avec lui. Cette loi est pour toutes les générations à toujours et il n'y a pas de circoncision en dehors de ces jours et ni d'omission d'un jour, mais selon les 8 jours, car c'est une ordonnance éternelle ordonnée et écrite sur les tablettes du ciel. Et chaque être qui naît, la chair de celui dont le prépuce n'est pas circoncis au 8e jour, ne fait pas partie des enfants de l'alliance que le Seigneur fit avec Abraham, mais des enfants de destruction, n'y a-t-il aucun signe sur lui qu'il appartient à Dieu, alors il est destiné à être détruit et éliminé de la terre et d'être déraciné de la terre, car il aura rompu l'alliance du Seigneur notre Dieu. Car tous les anges de la présence et tous les anges de sanctification ont ainsi été créés au jour de leur création, et il a sanctifié Israël devant les anges de la présence et les anges de sanctification, pour qu'ils soient près de lui et près de ses saints anges. Et toi commande aux enfants d'Israël, et qu'ils observent le signe de son alliance, comme une ordonnance éternelle pour leurs descendants, et ils ne seront pas déracinés du pays. Car le commandement est ordonné comme une alliance, afin qu'il l'observe toujours parmi les enfants d'Israël. Pour Ishmaël et ses fils et ses frères et Esaü, le Seigneur ne leur permit pas de s'approcher de lui et il ne les choisit pas, car il sait qu'ils sont les enfants d'Abraham, mais il choisit Israël pour être son peuple. Et il le sanctifia et le rassembla parmi les enfants des hommes, car il y a beaucoup de nations et beaucoup de peuples, et ils sont à lui et surtout il plaça des esprits autorisés de les écarter de lui. Mais sur Israël il n'appointa aucun ange ou esprit, car lui seul est leur directeur, et il les préservera, et les requerra de la main de ses anges et de ses esprits et de la main de tous ses pouvoirs, afin qu'ils puissent les préserver et les bénir et qu'ils puissent être à lui et qu'ils puissent être à eux à partir de maintenant et à toujours. Et maintenant je te déclare que les enfants d'Israël ne garderont pas cette ordonnance véritablement et qu'ils ne circonciront pas leurs fils suivant cette loi entière, mais manqueront cette circoncision de leurs fils, leur circoncision dans la chair, et eux tous, fils de Béliar, laisseront leurs fils incirconcis quand ils seront nés. Et il y aura une grande colère du Seigneur contre les enfants d'Israël, parce qu'ils auront abandonné son alliance et se seront détournés de sa parole et auront provoqué et blasphémé en autant qu'ils n'observent pas l'ordonnance de cette loi, car ils auront traité leur famille comme les païens afin qu'ils puissent être retirés et déracinés du pays. Et il n'y aura plus aucun pardon ou excuse pour eux afin qu'ils puissent pardonner ou excuser tout le péché de cette erreur éternelle. Chapitre 16. Et à la nouvelle lune du 4e mois, nous apparûmes à Abraham au chêne de Mamré et nous parlâmes avec lui et nous lui annonçâmes qu'un fils lui serait donné par Sarah sa femme. Et Sarah rit, car elle entendit que nous avions dit ces paroles à Abraham et nous la réprimâmes et elle eut peur et renia qu'elle avait ri au sujet des paroles. Et nous lui dîmes le nom de son fils Isaac et son nom est ordonné et écrit dans les tablettes célestes. Et lorsque nous reviendrons vers elle au temps fixé, elle aura conçu un fils. Et dans ce mois, le Seigneur exerça ses jugements contre Sodome et Gomorrhe et Zboam et toute la région du Jourdain et il les brûla de feu et de soufre et les détruit jusqu'à ce jour même, voici, Je t'ai déclaré toutes leurs actions, combien ils sont extrêmement cruels et pécheurs et qu'ils se souillent et commettent la fornication dans leur chair et agissent avec impureté sur la terre. Dieu exécutera jugement de la même manière dans les endroits où ils agissent suivant l'impureté de Sodome. Mais nous sauvâmes Lot, car Dieu se souvint d'Abraham et le sortit du milieu du renversement. Et lui et ses filles commirent le péché sur la terre, comme il n'y avait jamais eu sur la terre depuis les jours d'Adam jusqu'à aujourd'hui, car l'homme coucha avec ses filles. Et voici, il a été ordonné et gravé sur les tablettes célestes concernant sa semence, en entier de les retirer et les déraciner et d'exécuter jugement sur eux comme le jugement de Sodome et de ne laisser aucune semence de l'homme sur terre le jour de la condamnation. Et dans ce mois, Abraham quitta Hébron, il partit et habita entre Cadès et Shur dans les montagnes de Gérar. Et dans le milieu du cinquième mois, il partit de là et habita au puits du serment, Bécheva. Et au milieu du sixième mois, le Seigneur visita Sarah et il fit pour elle comme il avait dit et elle conçut. Et elle porta un fils dans le troisième mois, dans le milieu du mois, Isaac naquit au temps que le Seigneur avait parlé à Abraham à la fête des premiers fruits des récoltes, et Abraham circoncit son fils au huitième jour. Il était le premier qui fut circoncis selon l'alliance, qui est ordonnée à toujours. Et dans la sixième année de la quatrième semaine, nous allâmes vers Abraham au puits du serment et nous lui apparûmes ainsi que nous avions dit à Sarah que nous retournerions vers elle quand elle aura conçu un fils, et nous retournâmes au septième mois, et trouvâmes Sarah avec l'enfant devant nous et nous le bénîmes et lui annonçâmes toutes les choses qui ont été décrétées le concernant, qu'il ne mourrait pas avant qu'il ait eu six fils de plus, et qu'il les verrait avant de mourir, mais que son nom et sa semence seront déclarés par Isaac, et que toute la semence de ses fils seront des païens et considérés avec les païens, mais l'un des fils de Isaac deviendra une semence sainte et ne sera pas considéré parmi les païens, car il deviendra la portion du plus haut et toute sa semence échoira comme la possession de Dieu, pour être un peuple du Seigneur, en sa possession par-dessus toutes les nations, et qu'il devienne un royaume et prêtre et une nation sacrée. Et nous reprîmes notre chemin et nous annonçâmes à Sarah tout ce que nous lui avions dit et ils se réjouirent ensemble de très grande joie. Et il construit là un autel au Seigneur, qu'il avait délivré et qu'il a fait se réjouir dans le pays de son séjour, et il célébra 7 jours une fête de joie dans ce mois, près de l'autel qu'il avait construit au puits du serment. Et il construit des cabanes pour lui et ses serviteurs à cette fête, et il fut le premier à célébrer la fête des cabanes sur la terre. Et durant ces 7 jours il apportait chaque jour sur l'autel une offrande au feu au Seigneur de 2 bœufs, 2 béliers, 7 moutons et 1 bouc, en sacrifice du péché pour faire expiation pour lui et pour sa semence, et une offrande de remerciement de 7 béliers, 7 petits, 7 moutons et 7 boucs et leurs offrandes de fruits et leurs offrandes de boissons, et il brûla sur l'autel un sacrifice de choix pour le Seigneur, toute la graisse, comme une douce saveur odorante. Et matin et soir il brûlait des substances parfumées d'oliban, galbanum et nata fénar et myrrhe et épices et baume, il offrit toutes ces 7 broyées, mélangés ensemble en part égale et pure. Et il célébra cette fête durant 7 jours, se réjouissant de tout son cœur et de toute son âme, lui et tous ceux qui étaient dans sa maison, et il n'y avait pas d'étranger avec lui, ni personne qui n'était incirconcis. Et il bénit son Créateur, qu'il avait créé dans sa génération, car il l'avait créé selon son bon plaisir. Car il savait et percevait que de lui s'élèverait le plan de justice pour les générations éternelles et de lui une semence sacrée pour qu'elle devienne comme celui qui a fait toutes choses. Et il bénit et se réjouit et il appela le nom de cette fête, la fête du Seigneur, une joie agréable pour le plus haut Dieu. Et nous le bénîmes à toujours et toute sa semence après lui, à travers toutes les générations de la terre, parce qu'il célébra cette fête en sa saison, suivant le témoignage des tablettes célestes. Pour cette raison il est ordonné sur les tablettes célestes concernant Israël, qu'ils doivent célébrer la fête des cabanes avec joie, agréable devant le Seigneur, chaque année dans le septième mois, pendant 7 jours, un statut pour toujours à travers leur génération. Et pour cela il n'y a pas de limite de jours, car cela est ordonné à toujours concernant Israël, qu'ils doivent la célébrer et loger dans des cabanes et placer des guirlandes sur leur tête et prendre des branches feuillues et saules du ruisseau. Et Abraham prit des branches de palmier et le fruit de bons arbres et tournait chaque jour autour de l'autel avec les branches. 7 fois par jour le matin il louait et remerciait avec joie son Dieu pour toutes choses. Chapitre 17. Dans la première année de la 5e semaine de ce jubilé, Isaac fut sevré et Abraham fit un grand banquet dans le 3e mois, le jour que son fils Isaac fut sevré. Et Ishmaël le fils d'Agar l'Égyptienne était à sa place devant la face d'Abraham son père, et Abraham se réjouissait et bénissait Dieu, car il avait vu ses fils et ne mourrait pas sans enfant. Et il se souvint des paroles que le Seigneur lui avait dit le jour que Lot se sépara de lui. Il se réjouit parce qu'il lui avait donné une semence sur la terre pour hériter la terre et il bénit le Créateur de toutes choses de toute sa bouche. Et Sarah vit Ishmaël jouant et dansant et Abraham se réjouissant de grande joie et elle devint jalouse de Ishmaël et dit à Abraham « Chasse cette servante et son fils ». Car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. Et la chose fut terrible aux yeux d'Abraham au sujet de cet esclave et au sujet de son fils qu'ils doivent les écarter de lui. Et Dieu dit à Abraham, « Que ce ne soit pas terrible à tes yeux pour l'enfant et pour l'esclave. Tout ce que Sarah te dira, écoute ses paroles et fais-les, car en Isaac sera ton nom et semence déclarée. Mais pour le fils de cet esclave, je ferai de lui une grande nation, parce qu'il est de ta semence. » Et Abraham se leva tôt le matin et prit du pain et une bouteille d'eau et les plaça sur les épaules de Agar et de l'enfant et les renvoya. Et elle partit et s'égara dans le désert de Beersheba et l'eau de la bouteille était consommée et l'enfant avait soif et ne fut plus capable d'avancer et tomba. Et sa mère le prit et le plaça sous un olivier et s'éloigna et s'assit dos à lui à une distance de lancer de flèches, car elle dit « Que je ne vois pas la mort de mon enfant. » Et lorsqu'elle s'assit, elle pleura. Et un ange de Dieu, un des saints êtres, lui dit « Pourquoi pleures-tu Agar ? Lève-toi pour prendre l'enfant et prends-le dans ta main, car Dieu a entendu ta voix et a vu l'enfant. » Et elle ouvrit ses yeux et vit un puits d'eau et elle alla et remplit sa bouteille d'eau qu'elle donna à l'enfant pour boire et elle se leva et se rendit vers le désert de Paran. Et l'enfant grandit et devint un archer et Dieu était avec lui et sa mère prit pour lui une femme parmi les filles d'Égypte et elle lui porta un fils et il appela son nom Nébaïo, car elle dit « Le Seigneur était proche de moi quand j'ai fait appel à lui ». Et cela arriva dans la première année de la 7e semaine de ce jubilé, au 1er mois, le 12 de ce mois, il y avait des rumeurs au ciel concernant Abraham, qu'il aimait le Seigneur et qu'il était fidèle dans tout ce qu'il lui avait dit et que dans chaque affliction il était resté fidèle. Et le prince Mastema vint et dit devant Dieu. Voici Abraham aime son fils, et il se réjouit en lui au-dessus des autres choses. Ordonne-lui de l'offrir sur l'autel en sacrifice au feu, et tu verras s'il fera cet ordre, et tu sauras lorsque tu l'éprouveras s'il est fidèle en tout, tu l'éprouveras. Et le Seigneur savait qu'Abraham était fidèle contre toute affliction, car il l'avait éprouvé par son pays et par la famine, et l'avait éprouvé par la richesse des rois, et l'avait éprouvé par sa femme, quand elle fut arrachée de lui et par la circoncision, et il l'avait éprouvé par Ishmaël et Agar son esclave, quand il les renvoya. Et dans toutes choses qu'il l'avait éprouvé, il avait été trouvé fidèle et son âme n'était pas impatiente et il était lent à agir, car il était fidèle et amoureux du Seigneur. Chapitre 18. Et Dieu lui dit, Abraham, Abraham. Et il dit, voici, je suis ici. Et il dit, prends ton fils bien-aimé que tu aimes le plus, Isaac même, et va vers cette haute contrée et offre-le sur l'une des montagnes que je te pointerai. Et il se leva tôt le matin et sella son âne et prit deux de ses jeunes hommes avec lui et Isaac son fils, et coupa le bois du sacrifice au feu, et il alla à l'endroit le troisième jour, et il vit l'endroit de l'autel. Et il alla au puits d'eau, et il dit à ses jeunes hommes, restez ici avec l'âne, et moi et le garçon irons là-haut et nous reviendrons vers vous après avoir adoré. Et il prit le bois du sacrifice au feu et le déposa auprès de Isaac son fils, et il prit dans sa main le feu et le couteau, et ils allèrent tous deux ensemble à cet endroit. Et Isaac dit à son père, Père. Et il dit, je suis ici mon fils. Et il lui dit, voici le feu et le couteau et le bois, mais où est le mouton pour le sacrifice au feu, père? Et il dit, Dieu fournira pour lui-même un mouton pour un sacrifice au feu, mon fils. Et il s'approcha près de l'endroit du mont de Dieu. Et il construit un autel, et il plaça le bois sur l'autel, et attacha Isaac son fils, et le plaça sur le bois qui était sur l'autel, et étendit ses mains pour prendre le couteau, pour tuer Isaac son fils. Et je me tins devant lui et devant le prince, Mastema et le Seigneur dit, ordonne-lui de ne pas mettre la main sur le garçon, ni de ne rien faire contre lui, car j'ai démontré qu'il craint le Seigneur. Et je l'appelai du ciel et lui dis, Abraham, Abraham. Et il était terrifié et dit, voici, je suis ici. Et je lui dis, ne porte pas ta main sur le garçon, ne fais rien contre lui, car j'ai maintenant démontré que tu crains le Seigneur et n'as pas retenu de moi ton fils premier-né. Et le prince Mastema fut mis dans la honte, et Abraham leva ses yeux et voici un bélier, en capture par ses cornes, et Abraham alla et prit le bélier, et l'offrit en sacrifice au feu à la place de son fils. Et Abraham appela cet endroit, le Seigneur a vu, ainsi qu'il a dit, le Seigneur a vu, qui est mon Sion. Et le Seigneur appela Abraham du ciel une seconde fois par son nom, et il nous fit apparaître pour lui parler au nom du Seigneur et il dit, par moi-même je l'ai juré, dit le Seigneur, parce que tu as fait cette chose et n'as pas retenu de moi ton fils bien-aimé, qu'en bénédiction je te bénirai et en multiplication je multiplierai ta semence, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur la plage. Et ta semence héritera des villes de ses ennemis, et en ta semence seront bénies toutes les nations de la terre, parce que tu as obéi à ma voix, et j'ai montré à tous que tu m'es fidèle dans tout ce que je t'ai dit. Va en paix. Et Abraham alla vers ses jeunes hommes, et ils se levèrent et allèrent ensemble à Beersheba et Abraham habita près du puits du serment et chaque année il célébra cette fête 7 jours avec joie, et il l'appela la fête du Seigneur conformément aux 7 jours durant lesquels il alla et revint en paix. Et ainsi il a été ordonné et écrit sur les tablettes célestes concernant Israël et sa semence qu'ils doivent observer avec joie cette fête de 7 jours. Explication, fête des pains sans levain, qui suit immédiatement la nuit de la Pâque. Chapitre 19. Et dans la première année de la première semaine du 42e jubilé, Abraham retourna et habita à l'opposé de Hébron, qui est Kirjat Arba, durant 2 semaines d'années. Et dans la première année de la 3e semaine de ce jubilé, les jours de la vie de Sarah étaient accomplis et elle mourut à Hébron et Abraham alla pleurer sur elle et l'enterrer. Et nous l'éprouvâmes pour voir si son esprit était patient et s'il n'était pas indigné avec les paroles de sa bouche, et en cela il a été trouvé patient et n'était pas troublé. Il dialogua avec les enfants de Heth avec patience d'esprit dans l'intention qu'il lui donne un endroit où enterrer sa morte. Et le Seigneur lui donna grâce devant tous ceux qui le voyaient et il sollicita avec gentillesse les fils de Heth et ils lui donnèrent la terre de la double cave en face de Mamre qui est Hébron, contre 400 pièces d'argent. Et ils le sollicitèrent en disant « Nous te le donnerons pour rien ». Mais ils ne voulaient pas le prendre de leurs mains pour rien, alors il donna le prix de l'endroit, l'argent au complet. Et il s'inclina devant eux 2 fois, et après cela il enterra sa morte dans la double cave. Et tous les jours de la vie de Sarah étaient 227 ans, qui sont 2 jubilés et 4 semaines et 1 an. Ce sont les jours des années de la vie de Sarah. C'était la 10e fois qu'Abraham se faisait éprouver et qu'il fut trouvé fidèle et patient d'esprit. Et il ne dit pas un seul mot de la rumeur quant au pays que Dieu avait dit qu'il le donnerait à lui et à sa semence, après lui et il sollicita là un endroit pour enterrer sa morte, car il avait été trouvé fidèle et fut inscrit comme un ami de Dieu sur les tablettes célestes. Et dans la 4e année il prit une femme pour son fils Isaac, et son nom était Rebecca fille de Bethuel, fils de Nahor frère d'Abraham, sœur de Laban et fille de Bethuel. Et Bethuel était le fils de Melka qui était la femme de Nahor le frère d'Abraham. Et Abraham prit pour lui une 3e femme, parmi les filles des serviteurs domestiques et son nom était Keturah, car Agar était morte avant Sarah. Et dans la 2e semaine d'année elle lui porta 6 fils, Zimram et Jokshan et Médan et Midian et Injbak et Shua. Et dans la 2e année de la 6e semaine, Rebecca porta à Isaac 2 fils, Jacob et Esau, et Jacob était un homme doux et juste, et Esau était chevelu et impétueux, un homme de terrain, et Jacob habitait dans les tentes. Et les jeunes grandiront, et Jacob apprit à écrire mais Esau n'apprit pas, car il était un homme de terrain et un chasseur, et il apprenait la guerre, et toutes ses actions étaient impulsives. Et Abraham aimait Jacob, mais Isaac aimait Esau, et Abraham vit les actions d'Esau, et il savait quand Jacob son nom et semence, serait appelé et il appela Rebecca, et lui donna instruction pour Jacob, car il savait qu'elle aussi aimait Jacob beaucoup plus qu'Esau. Et il lui dit, ma fille, garde mon fils Jacob, car il sera à ma place sur la terre et en bénédiction au milieu des enfants des hommes et une gloire pour toute la semence de Shem. Car je sais que le Seigneur le choisira comme possession pour lui-même, pour être un peuple au-dessus de tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Et voici, Isaac mon fils aime Esau plus que Jacob, mais je vois que tu aimes véritablement Jacob. Ajoute encore de ta bonté vis-à-vis de lui et que tes yeux soient sur lui amour, car il sera pour nous une bénédiction sur la terre dès maintenant jusque dans les générations entières de la terre. Que tes mains soient fortes et que ton cœur se réjouisse dans ton fils Jacob, car je l'ai aimé plus que tous mes fils. Il sera béni pour toujours et sa semence remplira la terre entière. Si un homme peut compter le sable de la mer, sa semence sera aussi comptée. et toutes les bénédictions par lesquelles le Seigneur m'a béni moi et ma semence, reviendront à Jacob, et sa semence a toujours et par sa semence mon nom, sera béni et le nom de mes pères Shem, et Noah et Enoch, et Mahalalel et Enos, et Seth et Adam et ils serviront à poser les fondements du ciel, et à fortifier la terre, et à renouveler tous les luminaires, qui sont dans le firmament. Et il fit venir Jacob, sous les yeux de Rebecca sa mère, et l'embrassa et le bénit et dit. Jacob mon fils bien-aimé que mon âme aime, que Dieu au-dessus du firmament te bénisse et qu'il te donne toutes les bénédictions, avec lesquelles il bénit Adam, et Enoch et Noah et Shem, et que toutes les choses qu'il m'a dites et toutes les choses, qu'il a promises de me donner, qu'il les fasse s'attacher à toi et à ta semence à toujours suivant les jours du ciel au-dessus de la terre. Et que les esprits de Mastema ne dominent pas sur toi ou sur ta semence, pour vous détourner du Seigneur, qui est ton Dieu à compter de maintenant et pour toujours et que Dieu soit un Père, pour toi et toi le Fils premier-né et pour le peuple à jamais. Va en paix mon fils. Et tous deux quittèrent ensemble Abraham, et Rebecca aimait Jacob de tout son cœur et de toute sa force beaucoup plus que Saul. Mais Isaac aimait Esaü beaucoup plus que Jacob. Chapitre 20. Et dans la première année de la septième semaine du 42e jubilé, Abraham appela Ishmaël et ses 12 fils, et Isaac et ses 2 fils, et les 6 fils de Ketura et leurs fils et il leur commanda d'observer la voie du Seigneur, d'agir justement et d'aimer chacun le prochain et d'agir de cette manière avec les hommes, pour que tous marchent par égard, pour eux à faire jugement et justice sur la terre. Qu'ils doivent circoncire leurs fils selon l'alliance qu'il a faite avec eux et ne pas dévier vers la main droite ou vers la gauche de toutes les voies que le Seigneur nous a commandées et de nous garder de toute fornication et impureté et renoncer à toute fornication et impureté parmi nous. Et si une femme ou servante commet la fornication parmi nous, brûlez-la au feu et ne les laissez pas commettre fornication avec elle selon leurs yeux et leur cœur. Et ne prenez pas des femmes parmi les filles de Canaan, car la semence de Canaan sera déracinée du pays. Il leur parla ensuite du jugement des géants et du jugement des sodomites, comme ils avaient été jugés à cause de leur cruauté et sont morts à cause de leur fornication et impureté et corruption mutuelle par fornication. Et gardez-vous de toute fornication et impureté, et hors de toute pollution de péché de peur de mettre sur votre nom une malédiction et votre vie entière en dérision, et que vos fils soient tous détruits par l'épée, et que vous deveniez maudits comme Sodome, et tout votre reste comme les fils de Gomorrhe. Je vous conjure mes fils d'aimer le Dieu du ciel, et de vous attacher à tous ses commandements. Et ne marchez pas d'après leurs idoles et leur impureté, et ne vous faites pas des dieux moulés ou gravés, car ils sont vanité, et il n'y a aucun esprit en eux, car ils sont le travail des mains d'hommes, et tous ceux qui croient en eux ne croient en rien. Ne les servez pas, ni les vénérez, mais vous, servez le plus haut Dieu, et servez-le continuellement, et attendez toujours son approbation, et agissez droitement et justement devant lui pour qu'il prenne plaisir en vous et vous accorde sa pitié, et envoie sur vous la pluie du matin et du soir et bénisse tous les travaux que vous aurez réalisés sur la terre, et bénisse votre pain et votre eau, et bénisse le fruit de votre utérus et le fruit de votre terre et l'herbe de votre bétail et les troupeaux de vos moutons. Et vous serez en bénédiction sur la terre, et toutes les nations de la terre vous désireront. Bénissez vos fils dans mon nom, pour qu'ils soient bénis comme je suis. Et il donna des présents à Ishmaël, et à ses fils et aux fils de Ketura, et les éloigna de son fils Isaac, et il donna toutes choses à Isaac son fils. Et Ishmaël et ses fils et les fils de Ketura et leurs fils partirent ensemble et habitèrent de Paran jusqu'à l'entrée de Babylone sur toute la terre, qui est vers l'est face au désert. et eux se mélangèrent l'un et l'autre et leur nom fut appelé Arabe et Ismaélite. Chapitre 21. Et dans la sixième année de la septième semaine de ce jubilé, Abraham appela son fils Isaac et le commanda en disant « Je deviens vieux et ne connais pas le jour de ma mort, et je suis complet de mes jours. Et voici, je suis âgé de 175 ans et à travers tous les jours de ma vie, je me suis rappelé du Seigneur et cherchais de tout mon cœur à faire sa volonté et de marcher droit dans toutes ses voies. Mon âme a haï les idoles, me donnant cœur et esprit, pour que je considère d'agir selon la volonté de celui qui me créa. Car il est le Dieu vivant et il est sacré et loyal et il est juste par-dessus tout et avec lui il n'y a pas d'exception de personne homme, ni d'exception de présent, car Dieu est juste et prononce jugement sur tous ceux qui transgressent ses commandements et méprisent son alliance. Et toi aussi mon fils, observe ses commandements et ses ordonnances et ses jugements et ne marche pas d'après les abominations et d'après les images gravées et d'après les images moulées. Ne mange pas le sang d'aucun des animaux ou bétail, ni d'aucun des oiseaux qui volent dans le ciel. Et si tu tues une victime, comme un sacrifice acceptable de paix, tu la et déverse son sang sur l'autel et offre toute la graisse de l'offrande du sacrifice sur l'autel avec de la farine fine et mélange d'huile le sacrifice de viande avec son offrande de boisson. Offre les ensemble sur l'autel du sacrifice au feu. C'est une odeur douce devant le Seigneur. Et tu offriras la graisse de l'offrande de remerciement sur le feu qui est sur l'autel et la graisse qui est sur le ventre et toute la graisse de l'intérieur, et les deux reins et toute la graisse, qui est sur eux et sur les longes, et tu ôteras le foie avec les reins ensemble. Offre tout cela comme une odeur douce acceptable devant le Seigneur, avec l'offrande de viande et son offrande de boisson comme une odeur douce, le pain de l'offrande pour le Seigneur. Mange sa viande le même jour et le deuxième jour, mais le deuxième jour ne laisse pas le soleil se coucher sur cela jusqu'à ce qu'il soit mangé, car il n'est pas acceptable, car il n'est pas approuvé et qu'il ne soit plus mangé et tous ceux qui en mangent amèneront le péché sur eux, car voici, j'ai trouvé cela écrit dans les livres de mes ancêtres et dans les paroles d'Enoch et dans les paroles de Noah. Et tu jetteras du sel sur toutes tes offrandes et ne laisse pas le sel de l'alliance manquer dans toutes tes offrandes devant le Seigneur. Et comme pour le bois des sacrifices, prends garde de ne pas apporter d'autres bois sur l'autel en plus de ceux-là. Cyprès, laurier, amande, sapin, pin, cèdre, genévrier, figue, olive, myrrhe, laurier camphré, aspalatu, et de ces sortes de bois à déposer sur l'autel du sacrifice, qui ont été examinés ainsi que leur apparence, et ne dépose pas dessus tout bois fendillé ou noir mais dur et propre, sans défaut d'un son et nouvelle pousse, et ne dépose pas dessus un vieux bois car sa fragrance est sortie, car il n'y a plus de parfum en lui comme avant. À côté de ces sortes de bois, il n'y en a pas d'autres que tu placeras sur l'autel, car la fragrance est éparse et l'odeur de sa fragrance ne monte pas au ciel. Mon fils, observe cet ordre et fais-le pour que tu puisses être juste dans tous tes faits. Et en tout temps que ton corps soit propre et lave-toi à l'eau avant d'approcher l'offrande sur l'autel et lave tes mains et tes pieds avant d'approcher l'autel et quand tu auras sacrifié, lave de nouveau tes mains et tes pieds. Et ne laisse aucune goutte de sang apparente sur toi, ni sur tes vêtements. Sois sur tes gardes mon fils vis-à-vis du sang, sois sur tes gardes à l'extrême, recouvre-le de poussière. Ne mange aucun sang, car c'est l'âme. Ne mange pas de sang quoi qu'il en soit et ne prends pas de présent contre le sang humain de peur qu'il ait été versé impunément, sans jugement, car c'est à cause du sang versé que la terre pêche et la terre ne peut être lavée du sang humain que par le sang de celui qui l'a versé. Alors n'accepte pas de présent ou don contre le sang humain, 100%, pour que tu sois accepté devant le Seigneur, le plus haut Dieu, car il est le défenseur du bien et pour que tu sois préservé de toute malveillance, et qu'il te sauve de toute espèce de mort. Mon fils, je vois que toutes les actions des enfants des hommes sont péché et cruauté, et toutes leurs voies sont impures, et une abomination et une pollution, et qu'il n'y a pas de justice avec eux. Attention de peur de marcher dans leurs voies et de fouler leur chemin et pécher d'un péché de mort devant le plus haut Dieu, sinon il cachera sa face de toi et te renverra aux mains de ta transgression et te déracinera de la terre et ta semence du dessous du ciel également, et ton nom et ta semence périront de la terre entière. Détourne-toi de tous leurs faits et de toute leur impureté et observe l'ordonnance du plus haut Dieu et fais sa volonté et sois juste dans toutes choses et il te bénira dans toutes tes actions et il élèvera par toi un plan de justice à travers la terre entière, à travers toutes les générations de la terre et mon nom et ton nom ne seront pas oubliés sous le ciel à jamais. Va en paix mon fils. Que le plus haut Dieu, mon Dieu et ton Dieu, te fortifie pour faire sa volonté et qu'il bénisse toute ta semence et le reste de ta semence des justes bénédictions afin que tu sois une bénédiction sur toute la terre dans les générations à toujours. Et il le quitta en se réjouissant. Chapitre 22. Et cela arriva dans la deuxième année de la première semaine du 43e jubilé, qui est l'année où Abraham mourut, Isaac et Ishmaël allèrent vers Abraham leur père à partir du puits du serment pour célébrer la fête des semaines, qui est la fête des premiers fruits de la récolte, et Abraham se réjouit parce que ses deux fils étaient venus. Car Isaac avait beaucoup de biens à Beersheva et Isaac était habitué d'aller voir ses possessions et de retourner vers son père. Et en ces jours Ishmaël vint voir son père et ils allèrent tous deux ensemble et Isaac offrit un sacrifice en offrande au feu et le présenta sur l'autel que son père avait fait à Hébron et il offrit une offrande de remerciement et fit une fête de joie devant Ishmaël son frère. Et Rebecca fit de nouveaux gâteaux avec le nouveau grain des premiers fruits de la terre et les donnèrent à Jacob son fils, pour les amener à Abraham son père, afin qu'il mange et bénisse le Créateur de toutes choses avant qu'il meure. Et une meilleure offrande de remerciement pour Isaac aussi, envoyée par la main de Jacob à Abraham afin qu'il mange et boive. Et il mangea et but, et bénit le plus haut Dieu, qui a créé le ciel et la terre, qui a fait toutes les choses grasses de la terre et les donna aux enfants des hommes, pour qu'ils puissent manger et boire et bénir leur Créateur. Et maintenant je te remercie mon Dieu, car tu as fait en sorte que je voie ce jour. Voici, je suis âgé de 175 ans, un homme vieux et plein de jours, et tous mes jours ont été de paix pour moi. L'épée de l'adversité n'a pas prévalu sur moi dans tout ce que tu m'as donné, à moi et mes enfants, tous les jours de ma vie jusqu'à ce jour. Mon Dieu, que ta pitié et ta paix soient sur ton serviteur et sur la semence de ses fils, afin qu'il soit pour toi une nation choisie et un héritage parmi toutes les nations de la terre dès maintenant jusque dans tous les jours des générations de la terre, dans tous les âges. Et il appela Jacob et dit, « Jacob mon fils, que le Dieu de tout te bénisse et te fortifie d'agir justement devant sa volonté et qu'il te choisisse toi et ta semence, afin que tu deviennes un peuple pour son héritage en suivant toujours sa volonté. Jacob mon fils, approche-toi et embrasse-moi. » Et il s'approcha et l'embrassa et dit, « Béni soit mon fils Jacob et tous les fils du plus haut Dieu dans tous les âges. que Dieu te donne une semence de juste, et qu'il sanctifie certains de tes fils du milieu de toute la terre. Que des nations te servent et que toutes les nations s'inclinent d'eux-mêmes devant ta semence. Sois fort en présence des hommes et fais autorité sur toute la semence de cette, alors tes voies et les voies de tes fils seront justifiées pour qu'ils deviennent une nation sainte. Que le plus haut Dieu te donne toutes les bénédictions avec lesquelles il m'a béni et avec lesquelles il a béni Noé et Adam. Qu'elle reste sur la tête sacrée de ta semence d'une génération à l'autre pour toujours. Et qu'il te nettoie de toute injustice et impureté, pour que tu puisses être pardonné de toute transgression que tu as commis par ignorance, et qu'il te fortifie et te bénisse et que tu hérites de la terre entière, et qu'il renouvelle son alliance avec toi pour que tu sois une nation pour lui, pour son héritage dans tous les âges, et qu'il soit pour toi et pour ta semence un Dieu véritable dans tous les jours de la terre. Et toi Jacob, mon fils, souviens-toi de mes paroles et observe les commandements d'Abraham ton père. Sépare-toi des nations et ne mange pas avec eux et n'agis pas selon leurs travaux et ne deviens pas leur associé, car leurs actions sont impures et toutes leurs voies sont une pollution et une abomination et impureté. Ils offrent leurs sacrifices à la mort, et ils vénèrent des esprits malveillants, et ils mangent sur les tombes, et tous leurs travaux sont vanité et néant. Ils n'ont pas de cœur pour comprendre et leurs yeux ne voient pas ce que sont leurs travaux, et comment ils errent en disant à un morceau de bois, « Tu es mon Dieu », et à une pierre, « Tu es mon Seigneur et tu es mon Sauveur », et qui n'ont pas de cœur. Mais pour toi Jacob mon fils, que le plus haut Dieu t'aide et que le Dieu du ciel te bénisse et te sépare de leur impureté et de leur erreur. Jacob mon fils, prends garde de prendre une femme d'une semence des filles de Canaan, car toute sa semence sera déracinée de la terre, car Canaan fit erreur à cause de la transgression de Ham, et toute sa semence sera détruite du dessus de la terre, et tout le reste avec, et aucune progéniture ne sera sauve pour lui au jour du jugement, et ainsi pour tous les adorateurs d'idoles et le profane. Il n'y aura pas d'espoir de vie pour eux sur la terre, et il n'y aura aucun souvenir d'eux sur la terre, car ils descendront au Sheol, et ils iront dans la place de condamnation, comme les enfants de Sodome furent retirés de la terre, ainsi tous ceux qui vénèrent des idoles seront retirés. Jacob mon fils, ne crains pas et ne sois pas effrayé au fils d'Abraham, que le plus haut Dieu te préserve de la destruction et qu'il te délivre de tous les chemins d'égarement. Cette maison que je me suis construite pour que je puisse y inscrire mon nom sur terre t'est donnée à toi et ta semence, pour toujours et elle sera nommée la maison d'Abraham. Elle t'est donnée à toi et à ta semence pour toujours, car tu construiras ma maison et établiras mon nom devant Dieu pour toujours. Ta semence et ton nom se maintiendront à travers toutes les générations de la terre. Et il cessa de l'instruire et le bénit. Et les deux étaient allongés sur un lit, et Jacob dormit sur la poitrine d'Abraham le père de son père, qui l'embrassa cette fois et son affection et son cœur se réjouirent en lui. Et il le bénit de tout son cœur et dit, « Le plus haut Dieu, le Dieu de tout et créateur de tout, qui m'a amené d'Ur de Chaldée afin qu'il me donne cette terre, pour en hériter à toujours et pour que j'établisse une semence sacrée. Béni est le plus haut Dieu à toujours. » Et il bénit Jacob et dit, « Mon fils en qui je me réjouis de tout mon cœur et toute mon affection, que ta grâce et ta pitié soient toujours étendues sur lui et sur sa semence. Ne l'abandonne pas, ne le réduis pas à rien dès maintenant jusqu'au jour d'éternité, et que tes yeux soient ouverts sur lui et sur sa semence, afin que tu le préserves et le bénisses, et que tu puisses le sanctifier comme une nation pour ton héritage. Et bénis-le de toutes tes bénédictions dès maintenant jusqu'au jour d'éternité, et renouvelle ton alliance et ta grâce avec lui et avec sa semence suivant tout ton bon plaisir, jusqu'à toutes les générations de la terre. Chapitre 23. Et il plaça deux doigts sur les yeux de Jacob, et bénit le Dieu des dieux, et il couvrit sa face, et étendit ses pieds, et dormit du sommeil éternel, et fut réuni à ses pères. Et ne sachant rien de cela, Jacob était étendu sur sa poitrine, et ne savait pas qu'Abraham le père de son père était mort. Et Jacob se réveilla de son sommeil et voici, Abraham était froid, comme la glace et il dit « Père, Père ». Mais il n'y avait personne pour répondre et il sut qu'il était mort. Et il se releva de sa poitrine et courut le dire à Rebecca sa mère et Rebecca alla vers Isaac dans la nuit lui dire et ils allèrent ensemble et Jacob avec eux, une lampe à la main, et quand ils entrèrent ils trouvèrent Abraham mort allongé. Et Isaac tomba sur la face de son père, et pleura et l'embrassa. Et les voix se firent entendre dans la maison d'Abraham, et Ishmaël son fils se leva et alla vers Abraham son père, et pleura sur son père Abraham, lui et toute la maison d'Abraham, et ils pleurèrent d'une grande lamentation. Et ses fils Isaac et Ishmaël l'enterrèrent dans la double cave près de Sarah sa femme. Et tous les hommes de sa maison, et Isaac et Ishmaël et tous leurs fils, et tous les fils de Keturah de leur place le pleurèrent pendant 40 jours, et alors les jours de deuil, pour Abraham se terminèrent. Et il vécut 3 jubilés et 4 semaines d'années, 175 ans, et compléta les jours de sa vie dans la vieillesse et plein de jours. Car les jours de la vie des patriarches étaient de 19 jubilés, ou 931 ans, mais après le déluge ils commencèrent à descendre sous 19 jubilés et diminuer en jubilés et à vieillir rapidement et être pleins de leurs jours à cause du malheur à plusieurs reprises et de la cruauté de leur voix, à l'exception d'Abraham, car Abraham était parfait dans tous ses faits avec le Seigneur et complaisant de justice tous les jours de sa vie. Et voici, il ne compléta pas 4 jubilés de sa vie, car il vieillit à cause de la cruauté et était plein de ses jours. Et toutes les générations qui se lèveront de cette période jusqu'au jour du grand jugement vieilliront rapidement avant de compléter 2 jubilés, et leur connaissance les abandonnera en raison de leur vieillage et leur connaissance sera complètement dissipée. Et en ces jours, si un homme vit un jubilé et demi d'année, ils diront à son sujet qu'il a vécu longtemps, mais la plus grande partie de sa vie fut dans la peine, le chagrin et le malheur et cela sans paix. Car calamité suivra calamité et blessure sur blessure et malheur sur malheur et mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle et maladie sur maladie et tous les mauvais jugements comme cela, l'un après l'autre, maladie et renversement et neige et gel et glace et fièvre et froideur et torpeur et famine et mort et épée et captivité et toutes sortes de calamités et souffrances. Et tout ceci viendra sur une génération cruelle qui transgresse sur terre. Leurs travaux sont les impuretés et la fornication et la pollution et les abominations. Alors ils diront, les jours de nos ancêtres étaient nombreux jusqu'à 1000 années même et étaient bons, mais voici les jours de notre vie sont de 70 ans, si un homme a beaucoup vécu, et de 80 ans s'il est fort, et pour les mauvais, il n'y a pas de paix durant les jours de cette génération mauvaise. Et dans cette génération, les fils accuseront leurs pères et leurs anciens de péché, d'injustice et des paroles de leur bouche, et la grande cruauté qu'ils perpétrèrent, et concernant leur abandon de l'alliance que le Seigneur fit entre lui et eux, qu'ils devaient observer et appliquer tous ses commandements et ses ordonnances, et toutes ses lois sans se détourner vers la main droite ou la gauche. Car tous ont fait le mal, et toute bouche parle injustement et tous leurs travaux sont en impureté et en abomination, et toutes leurs voies sont pollution, impureté et destruction. Voici, La terre sera détruite à cause de tous leurs travaux, et il n'y aura aucune semence de la vigne ni d'huile, car leurs travaux sont tous entièrement infidèles, et ils périront tous ensemble, bêtes et bétail, oiseaux et tout le poisson de la mer à cause des enfants des hommes. Et ils s'efforceront l'un avec l'autre au sujet de la loi et de l'alliance, le jeune avec le vieux et le vieux avec le jeune, le pauvre avec le riche, le petit avec le grand, et le mendiant avec le prince, car ils auront oublié commandement et alliance, fête, moi, repos et jubilé et tous les jugements. Et ils prendront les épées et partiront en guerre pour les faire revenir sur la voie, mais ils ne retourneront pas jusqu'à ce que beaucoup de sang soit versé sur terre, l'un par l'autre. Et ceux qui auront échappé ne se détourneront pas leur malveillance vers la voie de la justice, mais tous s'exalteront à trahir et à s'enrichir afin que chacun puisse prendre tout ce qui est à son prochain, et ils se nommeront de grands noms, mais sans vérité ni droiture, et ils corrompront le Saint des Saints avec leur impureté et la corruption de leur pollution. Et un grand châtiment du Seigneur réduira les moyens de cette génération, et il les donnera à l'épée, et au jugement et à la captivité, pour être pillés et dévorés. Et il réveillera contre eux les pécheurs parmi les païens, qui n'ont ni pitié ni compassion, et qui ne respectent aucune personne, ni vieux ni jeune ni quiconque, car ils sont mauvais et forts à faire le mal plus que tous les enfants des hommes. Ils useront de violence contre Israël et de transgression contre Jacob, et beaucoup de sang sera versé sur la terre, et il n'y aura personne pour rassembler et personne pour enterrer. Dans ces jours ils crieront fort et appelleront et prieront afin qu'ils puissent être saufs de la main des pécheurs les païens, mais personne ne sera sauvé. Et les têtes des enfants deviendront blanches avec des cheveux gris et un enfant de 3 semaines semblera aussi vieux qu'un homme de 100 ans, et leur stature sera détruite par le malheur et l'oppression. Et en ces jours, les enfants commenceront à étudier les lois et à rechercher les commandements et à retourner sur le chemin de la justice. Et les jours commenceront à beaucoup augmenter et à monter parmi les enfants des hommes, jusqu'à ce que leur jour approche 1000 années, et à un plus grand nombre d'années, qu'était le nombre des jours avant. Et il n'y aura plus de vieil homme, ni un qui soit satisfait de ses jours, car tous seront comme des enfants et des jeunes. Et tous leurs jours seront complétés, et ils vivront de paix et joie, et il n'y aura pas Satan, ni aucun mauvais destructeur, car tous leurs jours seront des jours de bénédiction et de guérison. Et dans ce temps le Seigneur guérira ses serviteurs, qui se lèveront pour voir la grande paix et se dégageront de leurs adversaires. Et les justes verront et seront reconnaissants et se réjouiront de joie, pour toujours et à jamais et verront tous leurs jugements et toutes leurs malédictions sur leurs ennemis. Et leurs os demeureront sur la terre et leurs esprits auront beaucoup de joie et ils connaîtront que c'est le Seigneur qui exécute le jugement et démontre miséricorde aux centaines et milliers et à tous ceux qui l'aiment. Et toi Moïse, écris ces paroles, car ainsi sont-elles écrites et gravées sur les tablettes célestes, en témoignage pour les générations pour toujours. Chapitre 24. Et cela arriva après la mort d'Abraham, le Seigneur bénit son fils Isaac qui partit de Hébron, et dans la première année de la 3e semaine de ce jubilé il alla habiter au puits de la vision durant 7 années. Et dans la première année de la 4e semaine une famine commença dans le pays à part la première famine qui était survenue au jour d'Abraham. Et Jacob épissait un potage de lentilles et Esaü arriva des champs affamé et dit à Jacob son frère, « Donne-moi de ce potage rouge. » Et Jacob lui dit, « Vends-moi ta primogéniture, ton aînesse et je te donnerai du pain ainsi qu'une portion de ce potage de lentilles. » Et Esaü dit dans son cœur, « Je vais mourir. De quel profit me sera ce droit d'aînesse ? Et il dit à Jacob, « Je te le donne. » Et Jacob dit, « Jure-le-moi ce jour. » Et il lui jura. Et Jacob donna à son frère sopin et potage, et il mangea jusqu'à ce qu'il fût rassasié et sommé pris à son droit d'aînesse. Pour cette raison, le nom de Esaü fut appelé Édom au compte du potage rouge que Jacob lui donna contre son droit d'aînesse. Et Jacob devint l'aîné et Esaü fut rabaissé dans sa dignité. Et la famine était dans le pays, et dans la deuxième année de cette semaine Isaac partit pour se rendre en Égypte et alla vers le roi des Philistins Gérar, vers Abimelech. Et le Seigneur lui apparut et lui dit, « Ne descends pas en Égypte, habite dans la terre que je te dirai et séjourne sur cette terre, et je serai avec toi et te bénirai. Car je donnerai cette terre entière à toi et à ta semence, et j'établirai mon alliance, que j'ai juré à Abraham ton père, et je multiplierai ta semence, comme les étoiles du ciel, et donnerai cette terre entière à ta semence, et en ta semence seront bénies toutes les nations de la terre, car ton père obéit à ma voix, et conserva ma charge et mes commandements et mes lois et mes ordonnances et mon alliance, et maintenant obéit à ma voix et habite dans cette terre. » Et il habita à Gérar 3 semaines d'année. Abimelech ordonna à son sujet et concernant tout ce qui était à lui en disant, « Tout homme qui le touchera, lui ou la moindre chose qui est à lui, mourra certainement. » Et Isaac s'accrut fortement parmi les Philistins et il avait beaucoup de possessions, bœufs et moutons et chameaux et ânes et une grande maisonnée. Et il sema sur la terre des Philistins, qui rapporta 100 fois, et Isaac devint extrêmement grand, et les Philistins l'enviaient. Cependant, tous les puits que les serviteurs d'Abraham avaient creusés dans la vie d'Abraham, les Philistins les arrêtèrent et les remplirent de terre après la mort d'Abraham. Et Abimelech dit à Isaac, « Sépare-toi de nous, car tu es bien plus puissant que nous. » Alors Isaac partit dans la première année de la 7e semaine et séjourna dans les vallées de Gérar. Et ils creusèrent de nouveau les puits d'eau que les serviteurs d'Abraham son père avaient creusés et que les Philistins avaient bouchés après la mort d'Abraham son père, et il nomma leur nom comme Abraham les a nommés. Et les serviteurs d'Isaac creusèrent un puits dans la vallée et trouva de l'eau vive et les bergers de Gérar contraignirent les bergers de Isaac en disant, « L'eau est nôtre. » Et Isaac appela le puits du nom de perversité, parce qu'ils avaient été pervers avec nous. Et ils creusèrent un deuxième puits et ils contraignirent pour celui-là aussi et il appela son nom inimitié. Et il partit de là et ils creusèrent un autre puits et ils ne furent pas contraints pour celui-là et il appela son nom place et Isaac dit, « Maintenant, le Seigneur a fait place pour nous et nous nous sommes accrus dans le pays. » Et dans la première année de la première semaine du 44e jubilé il partit de là vers le puits du serment et le Seigneur lui apparut cette nuit, à la nouvelle lune du premier mois, explication, premier jour du mois, de Nisan, entre mars et avril, et lui dit, « Je suis le Dieu d'Abraham ton père, ne crains pas, car je suis avec toi et je te bénirai et multiplierai certainement ta semence, comme le sable de la terre pour la cause d'Abraham mon serviteur. » Et il reconstruit là l'autel que son père Abraham avait construit en premier et il invoqua le nom du Seigneur et il fit sacrifice au Dieu d'Abraham son père. Et ils creusèrent un puits et trouvèrent de l'eau vive. Et les serviteurs d'Isaac creusèrent un autre puits mais ne trouvèrent pas d'eau et ils allèrent dire à Isaac qu'ils n'avaient pas trouvé d'eau et Isaac dit, « J'ai juré ce jour aux Philistins et cette chose nous est annoncée. » Et il appela le nom de cet endroit le puits du serment, car là il avait juré à Abimelech et son ami Utzat et Phicol le préfet de sa maison. Et Isaac savait qu'il leur a juré sous la contrainte ce jour-là pour faire la paix avec eux. Et en ce jour Isaac maudit les Philistins et dit « Maudits sont les Philistins jusqu'au jour de colère et d'indignation du milieu des nations entières, que Dieu fasse d'eux une dérision et une malédiction et un sujet de colère et d'indignation entre les mains des pécheurs des païens et dans les mains des Kittims. Et quiconque s'échappe de l'épée de l'ennemi et du Kittim que la juste nation le déracine en jugement sous le ciel, car ils seront les ennemis et les adversaires de mes enfants à travers leurs générations sur la terre. Et aucun reste ne leur restera, ni aucun ne sera sauvé au jour de la colère du jugement, mais destruction, déracinement et expulsion de la terre sont pour la semence entière des Philistins seuls, et il ne restera plus rien de ces Caphtorim, ni nom ou semence sur la terre. Car pensez qu'ils montent au ciel, alors il sera rabaissé, et pensez qu'il s'est fortifié sur terre, alors il sera traîné, et pensez qu'il se cache parmi les nations, même de là il sera déraciné, et pensez qu'il descend au Sheol, là aussi sa condamnation sera grande et là aussi il n'aura pas de paix. Et s'il va en captivité, par les mains de ceux qui cherchent sa vie, il sera frappé sur le chemin et aucun nom ni semence lui sera laissé sur toute la terre, car il sera un parti de la malédiction éternelle. Et voici, cela est écrit et gravé lui concernant sur les tablettes célestes, quoi lui faire le jour du jugement pour qu'il soit déraciné de la terre. Chapitre 25. Et dans la deuxième année de cette semaine de ce jubilé, Rebecca appela son fils Jacob et lui parla en disant « Mon fils, ne prends pas pour toi une femme des filles de Canaan comme Esaü ton frère, qui a pris deux femmes des filles de Canaan, et elles rendent mon âme amère avec toutes leurs actions impures, car toutes leurs actions sont pour la fornication et la luxure, et il n'y a pas de droiture en elles, car leurs actions sont mauvaises. Et moi, mon fils, je t'aime extrêmement et l'affection de mon cœur te bénit chaque heure du jour et surveille durant la nuit. Et maintenant mon fils, écoute ma voix et fais la volonté de ta mère et ne prends pas pour toi une femme des filles de cette terre, mais seulement de la maison de mon père et de la famille de mon père. Tu prendras pour toi une femme de la maison de mon père, et le plus haut Dieu te bénira toi et tes enfants, comme une descendance droite et une semence sainte. » Et alors Jacob parla à Rebecca sa mère et lui dit « Voici mère, je suis âgé de 9 semaines d'années et je n'ai ni connu ni touché de femme, non plus me suis-je engagé avec personne, ni même pensé prendre pour moi une femme des filles de Canaan. Car je me souviens, mère, des paroles d'Abraham notre père, quand il me commanda de ne pas prendre une femme des filles de Canaan, mais de me prendre une femme de la semence de la maison de mon père et de ma famille. J'ai entendu auparavant que des filles étaient nées à Laban ton frère, et j'ai placé mon cœur en elles pour prendre une femme, parmi elles et pour cette raison, je me suis gardé dans mon esprit contre le péché ou de me corrompre dans toutes mes voies, tous les jours de ma vie, vis-à-vis de la luxure et la fornication. Abraham mon père me donna plusieurs commandements et malgré tout ce qu'il m'a commandé ces 22 années, mon frère m'a souvent parlé et poussé en disant, « Mon frère, prends pour femme une sœur de mes deux femmes. Mais je refuse de faire comme il a fait. Je te jure mère que tous les jours de ma vie je ne prendrai pas pour moi une femme des filles de la semence de Canaan et je n'agirai pas mauvaisement comme mon frère a fait. Ne crains pas mère, sois assuré que je ferai ta volonté et marcherai dans la droiture et ne corromprai pas mes voies jamais. » Et là-dessus elle leva son visage au ciel et étendit les doigts de ses mains et ouvrit sa bouche et bénit le plus haut Dieu qui a créé le ciel et la terre et elle le remercia et louangea et elle dit « Béni est le Seigneur Dieu et son saint nom est béni pour toujours et à jamais, qui m'a donné Jacob comme un fils pur et une semence sainte, car il est tient et en lui sa semence. » sera continuellement et à travers toutes les générations pour toujours. Bénis-le, ô Seigneur, et place dans ma bouche la bénédiction du juste, que je puisse le bénir. Et à cette heure, quand l'esprit de justice descendit dans sa bouche, elle plaça ses deux mains sur la tête de Jacob et dit : Béni es-tu, Seigneur de justice et Dieu des âges. Qu'il te bénisse par-dessus toutes les générations des hommes, qu'il te donne, mon fils, la voie du juste et révèle la justice à ta semence, et qu'il rende tes fils nombreux durant ta vie, et qu'ils s'élèvent selon le nombre des mois, de l'année. Et que leurs fils soient nombreux et grands par-dessus les étoiles du ciel, et que leur nombre soit plus grand que le sable de la mer. Et qu'il leur donne cette bonne terre, comme il a dit qu'il la donnerait à Abraham et à sa semence après lui toujours, et qu'ils en aient possession pour toujours, et que je voie naître pour toi mon fils des enfants bénis durant ma vie, et que toute ta semence soit une semence sainte et bénie. Et comme tu as renouvelé l'esprit de ta mère durant sa vie, le ventre de celle qui t'a porté te bénit, mon affection et mes seins te bénissent et ma bouche et ma langue te louent grandement. Augmente et répands-toi sur la terre, et que ta semence soit parfaite dans la joie du ciel et de la terre pour toujours, et que ta semence se réjouisse et qu'elle ait de la joie au grand jour de joie. Et que ton nom et ta semence se perpétuent dans tous les âges, et que le plus haut Dieu soit leur Dieu, et que le Dieu de justice habite avec eux, et que son sanctuaire soit construit par eux dans tous les âges. Béni soit celui qui te bénira, et que toute chair qui t'accuse faussement soit maudite. Et elle l'embrassa et lui dit : Que le Seigneur du monde t'aime comme le cœur de ta mère pour son affection pour toi et te bénisse. Et elle cessa sa bénédiction. Chapitre 26. Dans la septième année de cette semaine, Isaac appela Esaü son fils aîné et lui dit : Je suis âgé, mon fils, et voici mes yeux sont faibles pour voir, et je ne connais pas le jour de ma mort. Et maintenant prends tes armes de chasse, ta flèche et ton arc, et va sur le terrain et chasse, et prends-moi gibier, mon fils, et fais-moi un repas savoureux comme mon âme aime, et apporte-le-moi afin que je mange et que mon âme te bénisse avant que je meure. Mais Rebecca entendit Isaac parler à Esaü. Et Esaü partit très tôt sur le terrain pour chasser et attraper et apporter à la maison pour son père. Et Rebecca appela Jacob son fils et lui dit : Voici, j'ai entendu Isaac ton père parler avec Esaü ton frère en disant : Chasse pour moi et fais-moi un plat savoureux et apporte-le-moi afin que je mange et te bénisse devant le Seigneur avant que je meure. Et maintenant, mon fils, obéis à ma voix dans ce que je te commanderai. Va au troupeau et attrape-moi deux bons petits des chèvres, et je ferai d'eux un plat savoureux pour ton père, comme il aime, et tu l'apporteras à ton père, afin qu'il mange et te bénisse devant le Seigneur, avant qu'il meure et que tu sois béni. Et Jacob dit à Rebecca sa mère : Mère, je ne retiendrai aucune chose à manger pour mon père, qui peut lui faire plaisir, je crains seulement ma mère, qu'il reconnaisse ma voix et veuille me toucher, car tu sais que je suis lisse, et Esaü mon frère est velu, et je paraîtrai devant ses yeux comme un mauvais, et aurai fait une action qu'il ne m'aura pas commandée, et il sera en colère contre moi, et j'apporterai sur moi une malédiction et non une bénédiction. Et Rebecca sa mère lui dit : Que sur moi soit ta malédiction, mon fils, seulement obéis à ma voix. Et Jacob obéit à la voix de Rebecca sa mère, et il alla et attrapa deux bons et gras petits des chèvres, et les apporta à sa mère, et sa mère les prépara en plat savouru comme il aimait. Et Rebecca prit un bon vêtement de Esaü son fils aîné, qu'elle avait avec elle dans la maison, et elle en habilla Jacob son plus jeune fils, et elle mit la peau des petits sur ses mains et sur les parties exposées de son cou. Et elle donna la viande et le pain qu'elle avait préparé dans la main de son fils Jacob, et Jacob alla vers son père et dit : Je suis ton fils, J'ai fait comme tu m'as demandé. Relève-toi et assis-toi et mange ce que j'ai attrapé, Père, que ton âme bénisse. » Et Isaac dit à son fils, « Comment as-tu attrapé si vite mon fils ?» Et Jacob dit, « Parce que le Seigneur Dieu me fit trouver. » Et Isaac lui dit, « Viens près de moi que je te sente mon fils, si tu es mon fils sot ou non. » Et Jacob s'approcha de Isaac son père, et il le sentit et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains de sot. » Et il ne le discerna pas, car il avait été dispensé du ciel d'enlever son pouvoir de perception, et Isaac ne discerna pas afin qu'il le bénisse, car ses mains étaient velues comme son frère sot, et il dit, « Es-tu mon fils sot ? » Et il répondit, « Je suis ton fils. » Alors il dit, « Approche-toi afin que je mange ce que tu as attrapé mon fils, que mon âme te bénisse. » Et il apporta près de lui et il mangea et il lui apporta du vin et il but. Et Isaac son père lui dit, « Approche-toi et embrasse-moi mon fils. » Et il s'approcha et l'embrassa. Et il sentit l'odeur de son vêtement et il le bénit et dit, « Voici, l'odeur de mon fils est comme un grand champ que le Seigneur a béni. Que le Seigneur te donne la rosée du ciel et la rosée de la terre et plein de maïs et d'huile. Que les nations te servent et les peuples s'inclinent devant toi. Sois le Seigneur de tes frères et que les fils de ta mère s'inclinent devant toi, et que toutes les bénédictions par lesquelles le Seigneur m'a béni et béni Abraham mon père, qu'elles te soient imparties à toi et à tes fils à toujours. Maudit est celui qui te maudira, et béni est celui qui te bénira. » Et cela arriva aussitôt qu'Isaac mit fin à la bénédiction de son fils Jacob, et que Jacob quitta Isaac son père et se cacha. Esaü son frère revint de sa chasse, et il fit aussi un plat savoureux, et l'apporta à son père et dit à son père, « Que mon père se lève et mange de mon gibier, que ton âme bénisse. » Et Isaac son père lui dit, « Qui es-tu ? » Et il lui dit, « Je suis ton fils sot, ton premier-né, j'ai fait comme tu m'as commandé. » Et Isaac fut grandement étonné et dit, « Qui est celui qui a chassé et attrapé et me l'a apporté et que j'ai tout mangé avant que tu viennes et que j'ai béni et il sera béni et toute sa semence à toujours. » Et cela arriva quand Esaü entendit les paroles de son père Isaac, il se mit à crier d'un pleur extrêmement fort et amer et dit à son père, « Bénis-moi, moi aussi père. » Et il lui dit, « Ton frère est venu avec ruse et a pris ta bénédiction. » Et il dit, « Maintenant je sais pourquoi son nom est Jacob, voici, il m'a supplanté deux fois, il a pris mon aînesse, et maintenant il a pris ma bénédiction. » Et il dit, « N'as-tu pas réservé une bénédiction pour moi, père ?» Et Isaac répondit et dit à Esaü, « Voici je l'ai fait ton seigneur et tous ses frères comme serviteurs, je les raffermis avec plénitude de maïs et de vin et d'huile, et que ferai-je pour toi maintenant mon fils ?» Et Esaü dit à Isaac son père, « N'as-tu pas une bénédiction au père ? Bénis-moi, moi aussi père. » Et Esaü éleva sa voix et pleura. Et Isaac répondit et lui dit, « Voici, loin de la rosée de la terre sera ton habitation et loin de la rosée du ciel au-dessus, et par l'épée tu vivras et tu serviras ton frère. Et il viendra à passer quand tu deviendras grand et secouras son joug de ton cou, tu pêcheras un péché de mort entièrement et ta semence sera déraciné du dessous du ciel. » Et Esaü menaçait continuellement Jacob à cause de la bénédiction par laquelle son père le bénit et il dit dans son cœur, « Que les jours de deuil de mon père viennent maintenant afin que je tue mon frère Jacob. » Chapitre 27. Et les paroles de Esaü son fils aîné furent révélées à Rebecca dans un rêve, et Rebecca envoya appeler son plus jeune fils Jacob et lui dit, « Voici Esau ton frère veut faire vengeance sur toi et te tuer. Maintenant mon fils, obéis à ma voix, élève-toi et fuis chez Laban mon frère Haran, et réfugie-toi chez lui quelques jours, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne et qu'il n'ait plus de colère contre toi et oublie tout ce que tu as fait, alors je t'enverrai ramener de là. Et Jacob dit, « Je n'ai pas peur, s'il veut me tuer, je le tuerai. » Mais elle lui dit, « Ne me laisse pas priver de mes deux fils en un jour. » Il répondit, « Voici, tu sais que mon père est devenu vieux et ne voit pas, car ses yeux sont faibles et si je le laisse ce sera mauvais à ses yeux. Si je le quitte et pars loin de vous, mon père sera en colère et il me maudira, je n'irai pas, mais s'il m'envoie alors j'irai. » Et Rebecca dit à Jacob, « Je vais aller lui parler et il t'enverra au loin. » Et Rebecca alla et dit à Isaac, « Je déteste ma vie à cause des deux filles de Heth, que soient prises pour femmes, et si Jacob prend une femme parmi les filles du pays comme celle-là, pour quelle raison vivrai-je davantage, car les filles de Canaan sont mauvaises. » Et Isaac appela Jacob et le bénit et l'avertit et lui dit, « Ne prends pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi et va en Mésopotamie, dans la maison de Bethuel le père de ta mère, et prends-toi une femme des filles de Laban le frère de ta mère. Et Dieu Tout-Puissant te bénit et t'accroît et te multiplie afin que tu deviennes une compagnie de nations et te donne les bénédictions de mon père Abraham à toi et à ta semence, après toi afin que tu hérites de la terre de tes séjours et tout le pays que Dieu accorda à Abraham. Va en paix mon fils. » Et Isaac renvoya Jacob et il alla en Mésopotamie chez Laban le fils de Bethuel le Syrien, le frère de Rebecca, mère de Jacob. Et cela arriva après que Jacob partit en Mésopotamie, l'esprit de Rebecca fut accablé après son fils et elle pleurait. Et Isaac dit à Rebecca, « Ma sœur, ne pleure pas au sujet de Jacob mon fils, car il est parti en paix et il retournera en paix. Le plus haut Dieu le préservera de tout mal et sera avec lui, car il ne l'abandonnera pas dans tous ses jours, car je sais que ses voies seront prospères dans toutes choses là où il ira jusqu'à ce qu'il nous retourne en paix et nous le verrons en paix. Ne crains pas à son sujet ma sœur, car il est dans le droit chemin et il est un homme parfait et il est fidèle et il ne périra pas. Ne pleure pas. » Et Isaac réconforta Rebecca au sujet de son fils Jacob et le bénit. Et Jacob partit du puits du serment pour aller à Haran dans la première année de la deuxième semaine du 44e jubilé et il arriva à Luz aux montagnes de Bethel à la nouvelle lune du premier mois de cette semaine. Et il vint à l'endroit même et se tourna du côté ouest de la route cette nuit et il dormit là, car le soleil s'était couché. Et il prit une des pierres de l'endroit et s'allongea sous l'arbre, car il voyageait seul et il dormit et il rêva cette nuit et voici, une échelle placée sur la terre et son haut atteignait le ciel et voici, les anges du Seigneur y montaient et descendaient et voici le Seigneur s'y tenait dessus et il parla à Jacob et dit, « Je suis le Seigneur Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre où tu es couché, à toi je la donnerai et à ta semence après toi. Et ta semence sera comme la poussière de la terre et tu augmenteras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et en toi et ta semence seront bénies toutes les familles des nations. Et voici, je serai avec toi et te garderai où que tu iras et je te ramènerai de nouveau dans cette terre en paix, car je ne te laisserai pas jusqu'à ce que je fasse toutes choses que je t'ai dites. » Et Jacob se leva de son sommeil et dit, « Véritablement cet endroit est la maison du Seigneur et je ne le savais pas. » Et il eut peur et dit, « Cet endroit est redoutable, qui ne peut être autre que la maison de Dieu et ceci est la porte du ciel. » Et Jacob se leva très tôt le matin et prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête et la plaça en pilier comme un signe, et il versa de l'huile sur le dessus, et la place est endroit Bethel, mais le nom de l'endroit était Luz en premier. Et Jacob jura un serment au Seigneur en disant, « Si le Seigneur est avec moi et me garde dans ce chemin où je vais et me donne du pain à manger et un vêtement pour m'habiller afin que je retourne à la maison de mon père en paix, alors le Seigneur sera mon Dieu et cette pierre que j'ai placée en pilier à cet endroit comme un signe sera la maison du Seigneur, et de tout ce que tu me donneras mon Dieu, je te donnerai un dixième. » Chapitre 28. Et il continua son voyage, et arriva dans la terre de l'Est, chez Laban le frère de Rebecca, et il était avec lui et le servit pour Rachel sa fille, une semaine d'année. Et dans la première année de la troisième semaine, il lui dit, « Donne-moi ma femme pour qui je t'ai servi 7 ans. » Et Laban dit à Jacob, « Je te donnerai ta femme. » Et Laban fit une fête, mais il prit Léa sa fille aînée et la donna à Jacob, pour femme ainsi que Zilpa sa servante comme servante, et Jacob ne le savait pas, car il pensait qu'elle était Rachel. Et il vint en elle et voici elle était Léa, et Jacob était en colère contre Laban et lui dit, « Pourquoi as-tu agi comme ça avec moi? Ne t'ai-je pas servi pour Rachel et non pour Léa? Pourquoi m'as-tu trompé? Prends ta fille et je partirai, car tu as mal agi avec moi. » Jacob aimait Rachel plus que Léa, car les yeux de Léa étaient faibles mais sa forme était très bien, mais Rachel avait de beaux yeux et une forme bien et très belle. Et Laban dit à Jacob, « Il n'est pas coutume dans notre pays de donner la plus jeune avant l'aînée et il n'est pas juste de faire ça. » Car voici il est ordonné et écrit dans les tablettes célestes, que nul ne doive donner sa plus jeune fille avant la plus vieille, mais la plus vieille sera donnée en premier et après elle la plus jeune. Et l'homme qui fait ça, ils placeront une faute contre lui dans le ciel, et personne n'est justifié de faire cette chose, car son action est mauvaise devant le Seigneur. Et toi, commande aux enfants d'Israël, qu'ils ne doivent pas faire cette chose, ne les laisse ni prendre ou donner la plus jeune avant qu'ils aient donné la plus vieille, car c'est très méchant. Et Laban dit à Jacob, laisse passer les 7 jours de fête pour celle-ci et je te donnerai Rachel et que tu me serves un autre 7 ans, paie mes moutons comme tu as fait la semaine précédente. Et le jour que les 7 jours de fête furent passés, Laban donna Rachel à Jacob afin qu'il le serve un autre 7 ans et il donna Bila à Rachel, la sœur de Zilpa comme servante, et il servit un autre 7 ans pour Rachel, car Léa lui avait été donnée pour rien. Et le Seigneur ouvrit le ventre de Léa et elle conçut. Et le 14e jour du 9e mois, dans la première année de la 3e semaine, elle porta à Jacob un fils, et il appela son nom Ruben. Mais le ventre de Rachel était fermé, car le Seigneur vit que Léa était haïe Rachel aimée. Et Jacob vint de nouveau dans Léa, et elle conçut et porta à Jacob un second fils, et le 21e jour du 10e mois, dans la 3e année de cette semaine, et il appela son nom Siméon. Et Jacob vint encore dans Léa, et elle conçut et lui porta un 3e fils, et il appela son nom Lévi à la nouvelle lune du 1er mois, dans la 6e année de cette semaine, et il appela son nom Lévi. Et de nouveau Jacob vint dans Zélé, elle conçut et le 15e jour du 3e mois, de la 1re année de la 4e semaine, elle lui porta un 4e fils, et il appela son nom Judas. Et au sujet de tout cela Rachel enviait Léa, car elle ne concevait pas et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants. » Et Jacob dit, « Est-ce que je retiens les fruits de ton ventre contre toi? T'ai-je abandonné? Et Rachel vit que Léa avait porté 4 fils à Jacob, Ruben et Siméon et Lévi et Judas, elle lui dit, « Va en Bila ma servante et elle concevra et me portera un fils. » Et elle lui donna Bila sa servante pour femme. Et il alla en elle et elle conçut et le 9e jour du 6e mois, de la 6e année de la 3e semaine, elle lui porta un fils et il appela son nom Dan. Et Jacob vint encore dans Bila une seconde fois et elle conçut et le 5e jour du 7e mois, de la 2e année de la 4e semaine elle porta à Jacob un autre fils et Rachel appela son nom Naphtali. Et quand Léa vit qu'elle était devenue stérile et qu'elle ne portait plus, elle envia Rachel et elle aussi donna Zilpa sa servante à Jacob pour femme, et elle conçut et le 12e jour du 8e mois, de la 3e année de la 4e semaine elle porta un fils et Léa appela son nom Gad. Et il alla encore dans elle et elle conçut et le 2e jour du 11e mois, de la 5e année de la 4e semaine, elle lui porta un second fils et Léa appela son nom Asher. Et Jacob vint dans Léa et elle conçut et le 4e du 5e mois, de la 4e année de la 4e semaine elle porta un fils, et elle appela son nom Issachar, et elle le donna à une nurse. Et Jacob vint encore dans elle et elle conçut et le 7e du 7e mois. De la 6e année de la 4e semaine elle porta 2 enfants, un garçon et une fille, et elle appela le nom du garçon Zabulon et le nom de la fille Dina. Et le Seigneur fit grâce à Rachel, et ouvrit son ventre et elle conçut et à la nouvelle lune du 4e mois, dans la 6e année de la 4e semaine elle porta un fils, et elle appela son nom Joseph. Et dans les jours que Joseph fut né, Jacob dit à Laban, « Donne-moi mes femmes et fils, et laisse-moi aller vers mon père Isaac, et laisse-moi me construire une maison, car j'ai complété les années pour lesquelles je t'ai servi pour tes 2 filles, et j'irai dans la maison de mon père. » Et Laban dit à Jacob, « Reste avec moi pour tes rétributions. Paie encore mon troupeau pour moi et prends tes rétributions. » Et ils se mirent d'accord l'un avec l'autre, qu'il devait lui donner pour ses rétributions, parmi les agneaux et petits, ceux qui naîtront noirs et tachetés et blancs. Ceux-là seront ses rétributions de tout le troupeau emmené, tachés et tachetés et noirs, différemment marqués, et ils emmenèrent encore les agneaux semblables, et tous ceux qui étaient tachetés furent à Jacob, et ceux qui ne l'étaient pas étaient à Laban. Et les possessions de Jacob multiplèrent extrêmement et il possédait des bœufs et moutons et des ânes et chameaux, et des serviteurs et servantes. Et Laban et ses fils envièrent Jacob, et Laban reprit ses moutons de lui et il l'observait en mauvaise intention. Chapitre 29. Et cela arriva lorsque Rachel mit au monde Joseph, Laban partit tondre ses moutons. Comme ils étaient distants de lui de 3 jours de voyage, Jacob vit que Laban partit tondre ses moutons et Jacob appela Léa et Rachel et il leur parla doucement qu'elle devrait venir avec lui dans la terre de Canaan. Et il leur dit tout ce qu'il avait vu dans un rêve, même tout ce dont il a parlé avec lui qu'il devrait retourner vers la maison de son père, et elles dirent, « Dans tout endroit que tu iras nous irons avec toi. » Et Jacob bénit le Dieu d'Isaac son père et le Dieu d'Abraham le père de son père et il se leva et mit en selle ses femmes et ses enfants et prit toutes ses possessions et ils traversèrent la rivière et arrivèrent sur la terre de Gilead. Mais Jacob cacha son intention à Laban et ne lui dit pas. Et dans le 21e jour du 1er mois, de la 7e année de la 4e semaine, Jacob tourna sa face vers Gilead et Laban le poursuivit et le 13e jour du 3e mois, il le rejoint dans la montagne de Gilead et le Seigneur lui apparut dans un rêve de nuit, car il ne permit pas d'offenser Jacob. Et Laban parla à Jacob et le 15e de ses jours, Jacob fit une fête pour Laban et pour tous ceux qui vinrent avec lui et Jacob jura à Laban ce jour et Laban aussi à Jacob que personne ne traverserait la montagne de Gilead vers l'autre dans une mauvaise intention. Et il fit là un amoncellement en témoignage et depuis cette place est dénommée la pile du témoignage, d'après cet amoncellement. Et ils appelaient avant la terre de Gilead, la terre des refins, car c'était la terre des refins et les refins étaient nés là. Des géants dont la hauteur était de 7, 8, 9 jusqu'à 10 coudées et leur habitation était de la terre des enfants d'Ammon au mont Hermon et les assises de leur royaume étaient Carnin et Ashtaroth et Edrei et Misur et Beon. Et le Seigneur les détruit à cause de la cruauté de leurs actions, car ils étaient très malins et les Amorites habitèrent à leur place, mauvais et pécheurs, et il n'y a personne aujourd'hui qui a entièrement réalisé tous leurs péchés et ils n'eurent pas plus de durée de vie sur la terre. Et Jacob renvoya Laban en Mésopotamie qui partit vers la terre de l'Est et Jacob retourna sur la terre de Gilead et le 11e jour du 9e mois, il traversa le Jabbok, anciennement Jabbok, et en ce jour Esau son frère vint vers lui et il se réconcilia avec lui puis se sépara de lui sur la terre de Seir et Jacob habita dans des tentes. Et dans la première année de la 5e semaine de ce jubilé, il traversa le Jourdain et habita au-delà du Jourdain et paissait ses moutons à partir de la mer de l'amoncellement jusqu'à Betsan et jusqu'à Dothan et jusqu'à la forêt d'Akrabim. Et il envoya à son père Isaac toute subsistance, vêtements et nourriture et viande et boisson et lait et beurre et fromage et quelques dattes de la vallée, vers la tour d'Abraham et à sa mère Rebecca aussi, 4 fois l'année, entre les semailles et les récoltes, et entre l'automne et la pluie saisonnière, et entre le printemps et l'été. Car Isaac était parti du puits du serment, et monté habiter la tour de son père Abraham, à part de son fils Esau, car dans les jours que Jacob était en Mésopotamie, Esau prit pour lui une femme Mahalath, fille d'Ishmaël, et ils réunirent ensemble tous les troupeaux de son père et monta avec ses femmes et habita au mont Seir, laissant Isaac son père seul au puits du serment. Et Isaac partit du puits du serment et habita dans la tour d'Abraham son père, dans les montagnes de Hébron, et Jacob y envoya tout ce qu'il envoyait à son père et sa mère au temps fixé, tout ce dont ils avaient besoin et ils bénirent Jacob de tout leur cœur et de toute leur âme. Chapitre 30. Et dans le 4e mois, de la première année de la 6e semaine, il monta à Salem à l'est de Shechem en paix et là ils amenèrent Dina la fille de Jacob dans la maison de Shechem, fils de Hamor le Hivite le prince de la terre. Et il coucha avec elle et la souilla alors qu'elle était une petite fille, une enfant de 12 ans. Et il chercha son père et ses frères, pour qu'elle lui soit donnée pour femme, mais Jacob et ses fils étaient en colère à cause des hommes de Shechem, car ils avaient souillé Dina leur sœur, et ils leur parlèrent avec mauvaise intention et traitèrent faussement avec eux et les trompèrent. Et Siméon et Lévi vinrent par surprise à Shechem et firent justice sur tous les hommes de Shechem et tuèrent tous les hommes qui s'y trouvaient et ne laissèrent pas un seul homme vivant. Ils les tuèrent tous par des tourments parce qu'ils avaient déshonoré leur sœur Dina, et voici, que cela ne se reproduise pas à ce jour qu'une fille d'Israël soit souillée. Car le jugement est ordonné contre eux au ciel pour que tous les hommes shichémites soient détruits par l'épée, car ils avaient apporté la honte en Israël. Et le Seigneur les livra entre les mains des fils de Jacob pour qu'ils soient exterminés par l'épée et que justice se fasse contre eux et que cela ne se reproduise plus en Israël qu'une vierge d'Israël soit souillée. Et s'il y a un homme en Israël qui désire donner sa fille ou sa sœur à un homme qui est de la semence des païens, il mourra certainement et ils le lapideront avec des pierres, car il a apporté la honte en Israël, et ils brûleront la femme au feu, car elle a déshonoré le nom de la maison de son père, et elle sera déracinée d'Israël. Et ne laisse pas un adultère, ni impur se trouver en Israël dans tous les jours des générations de la terre, car Israël est sacré pour le Seigneur, et tout homme qui souille cela mourra certainement, ils le lapideront avec des pierres. Car cela a été ordonné et écrit sur les tablettes célestes concernant toute la semence d'Israël. Celui qui souille cela mourra certainement et il sera lapidé avec des pierres. Et à cette loi il n'y a pas de limite de jurée ni rémission, ni aucune expiation, mais l'homme qui aura souillé sa fille sera déraciné du milieu de tout Israël. Car il a donné sa semence à Moloch, et agit avec impiété au point de souiller cela. Et toi Moïse, commande aux enfants d'Israël, et exhorte-les de ne pas donner leur fille aux païens, et de ne pas prendre pour leur fils aucune des filles des païens, car c'est abominable devant le Seigneur. Pour cette raison que dans les paroles de la loi, j'ai écrit pour toi toutes les actions que les Shichémites ont faites contre Dina, et comment les fils de Jacob parlèrent en disant, « Nous ne donnerons pas notre fille à un homme, qui est incirconcis. » Explication, premier édit de la foi monothéiste, qui distingue les idolâtres des croyants, car cela serait pour nous un reproche. Et c'est un reproche à Israël, pour ceux qui vivent et pour ceux qui prennent les filles des païens, car c'est impur et abominable pour Israël. Et Israël ne sera pas libéré de son impureté s'il a une femme des filles des païens ou s'il aura donné une de ses filles à un homme qui est un des païens. Et il y aura peste sur peste et malédiction sur malédiction, car tout jugement de peste et malédiction viendront s'il fait cette chose ou se cache les yeux envers ceux qui commettent l'impureté ou envers ceux qui souillent le sanctuaire du Seigneur ou envers ceux qui profanent son nom sacré, alors la nation entière sera jugée ensemble pour toute l'impureté et la profanation de cet homme. Et il n'y aura aucun respect pour personne ni d'exception de personne et ni remise de ses mains de fruits et d'offrandes et de sacrifices au feu et de graisse, ni parfum de douce odeur, pour accepter cela, pour le prix de tout homme ou femme en Israël, qui souille le sanctuaire. Pour cette raison, je t'ai commandé en disant, atteste ce témoignage en Israël, vois comment les Shichémites procédaient avec leurs fils, et comment ils furent livrés entre les mains des deux fils de Jacob, qui les frappèrent avec des tortures, et cela fut compté pour eux en justice, et il est écrit pour eux en justice. Et la semence de Lévi fut choisie pour la prêtrise, et pour être lévite pour qu'ils puissent faire le service devant le Seigneur, comme nous, continuellement et que Lévi et ses fils soient bénis à toujours, car il était zélé à exécuter la justice et jugement et vengeance, sur tous ceux qui se levaient contre Israël, et ils s'inscrivirent ainsi comme un témoignage en sa faveur sur les tablettes célestes, en bénédiction et droiture devant le Dieu de tous. Et nous mémorisons la justice que l'homme réalise durant sa vie à toute période de l'année, jusqu'à 1000 générations l'inscriront-ils, et elle viendra sur lui et sur ses descendants, après lui qui aura été inscrit sur les tablettes célestes, comme un ami et un homme juste. J'ai écrit pour toi toute cette matière, et t'ai commandé de dire aux enfants d'Israël, qu'ils ne doivent pas commettre de péché, ni transgresser les ordonnances, ni briser l'alliance qui a été ordonnée pour eux, mais ils doivent l'accomplir pour être inscrits comme des amis. Mais s'ils transgressent et agissent salement dans leur voie, ils seront inscrits sur les tablettes célestes comme des adversaires et seront détruits du livre de vie et seront inscrits dans le livre de ceux qui seront détruits et avec ceux qui seront déracinés de la terre. Et le jour que les fils de Jacob frappèrent Shechem, un écrit fut inscrit en leur faveur de droiture et de vengeance contre les pécheurs, et il fut inscrit comme une bénédiction. Et ils ramenèrent Dina leur sœur hors de la maison de Shechem, et ils prirent captifs toutes choses qui étaient dans Shechem, leurs moutons et leurs bœufs et leurs ânes, et tout leur capital, et tous leurs troupeaux, et les apportèrent tous à leur père Jacob, qui leur reprocha d'avoir passé la ville à l'épée, car ils craignaient ceux qui habitaient sur la terre, les Cananites et les Prisites. Et la crainte du Seigneur fut sur toutes les villes qui étaient autour de Shechem, et ils ne se levèrent pas pour poursuivre les fils de Jacob, car la terreur était tombée sur eux.